Alors, lorsqu'elle arrive de Turin en 1696, Marie-Adélaïde de Savoie, la future épouse du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, a déjà reçu une éducation française. Une éducation française qui n'est pas seulement, nous aurons l'occasion de le voir, le fruit du cynisme politique de son père, le duc de Savoie, Victor Amédée II, mais qui remonte bien au-delà à sa naissance en décembre 1685. Aussi, lorsqu'elle arriva en France, dut-elle moins se détacher du goût italien qu'elle n'eut à s'acclimater à la coterie des coteries versaillaises et à la rivalité entretenue entre des foyers artistiques plus ou moins éloignés de la cour. Retenir le mécénat, les fêtes, les manifestations littéraires, mais surtout, et je m'attarderai sur elle, l'emprise pédagogique qui s'est exercée sur la duchesse de Bourgogne et autour de la duchesse de Bourgogne, pour le présent colloque, me permet, semble-t-il, de recouper plusieurs préoccupations. La première, d'esquisser une vision des foyers qui nous préoccupent en jaugeant leurs interconnexions, leur interdépendance, voire leur hétéronomie, dont il a déjà été question ce matin. La période de 1696-1712 correspond également à la fin du règne de Louis XIV, à l'essoufflement d'un système monarchique, à l'apparition de désirs de réformes nouvelles, de nouvelles cabales, d'un trauma lié à la disparition des héritiers directs pressentis au trône, et correspond aussi, sinon à l'émergence, du moins à l'affirmation d'un certain nombre de foyers qui sont rarement corrélés à ces cours satellites, je pense notamment à Saint-Cyr et au mécénat littéraire et religieux qui entoure une institution qui s'intéresse à l'éducation de jeunes aristocrates appauvris, certes, mais destinés, elles aussi, à leur tour, à essaimer l'éducation et le goût apprivoisé dans le pensionnat. Enfin, en nous concentrant sur un espace, nous serons amenés à dessiner d'autres réseaux selon une épaisseur temporelle bien plus élargie qui nous fera remonter jusqu'aux années 1670, des réseaux consolidés depuis la cour du roi, depuis Versailles, mais précisément orientés vers ce qui va devenir des foyers, des cours satellite, et donc d'essayer de comprendre une part des recoupements entre ces foyers. Cette juxtaposition d'échanges, cette circulation d'acteurs sociaux, cette économie symbolique aussi qui lie les différents foyers entre eux, ainsi que la circulation d'œuvres matérielles, nous orientera vers un second volet qui nous amènera à interroger la pertinence de cette notion de foyer en regard d'autres concepts développés par la sociologie pragmatique essentiellement, qu'il s'agisse de la notion de réseau ou plus récemment, et de manière relativement aussi informelle, celle des saints, qui n'a toutefois pas une vacuité heuristique semblable à celle du foyer, dont on a essayé, dont les organisateurs du présent colloque ont dressé ce matin une ébauche de définition qui appelle, me semble-t-il, des théorisations plus approfondies, qui sont absolument absentes de l'historiographie pour l'instant, j'espère avoir l'occasion de m'y attarder, et qui est à comprendre aussi dans le développement d'une sociologie en France et d'une sociométrie depuis les années 1960. Il s'agira donc, de manière malheureusement très brève et donc un peu caricaturale, de faire apparaître ici un réseau de textes à partir d'une image, vous le verrez, d'une architecture de papier, puisqu'on a beaucoup parlé d'architecture déjà ce matin, un réseau de textes derrière lequel on va retrouver un réseau d'acteurs sociaux pour qui l'uniformisation morale, sociale et religieuse des cours constituait un enjeu d'importance, même s'il fut finalement soldé par un échec. Mon exposé revêtira donc deux dimensions, l'une sans doute exagérément prosopographique, et on va retrouver toute une série de noms et d'associations que l'on a déjà entendues dans la contribution de Catherine Cessac tout à l'heure, et que l'on vient d'entendre à l'instant dans celle de Thomas Vernet. L'autre sera plus d'ordre méthodologique et abstraite, en essayant de mesurer le manque patent justement de conceptualisation par rapport à cette notion de foyer dans les sciences humaines. Alors, le tableau de la duchesse de Bourgogne, dont je vais parler ici vraiment à très grands traits, ne figure que comme une étude de cas et finalement un point de départ. Et on va voir que ce point de départ oriente vraiment la vision que l'on peut avoir des réseaux et des cours, et montre combien, suivant le point d'analyse, suivant la focale que l'on choisit justement, cette géométrie des réseaux peut être extrêmement variable. lors d'un colloque qui s'est tenu à Bruxelles il y a 2 ans et qui réunissait pas mal de membres de l'équipe présente dans le colloque d'aujourd'hui, Andrea Merlotti avait éclairé justement l'enfance de Marie-Adélaïde et avait bien montré comment, comme sa mère d'ailleurs, elle avait été dépourvue d'une maison, casa, hein, proprement parlé, c'est-à-dire d'un entourage de courtisans, généralement venus de France et qui l'auraient accompagné vers Turin, pour ne bénéficier finalement que d'un état, stato, donc on est à la fois là dans la métaphore du foyer, de la maison, et en même temps dans sa dimension abstraite et courtisane, c'est-à-dire d'un petit groupe finalement de courtisans qui étaient déjà présents dans le duché de Savoie et qui marquait clairement l'opposition politique qui séparait déjà Victor Amédée II de Louis XIV. Toutefois, la duchesse de Bourgogne va bénéficier d'un entourage féminin et masculin essentiellement français. On compte dans son entourage immédiat Louise Dumas, la marquise de Saint-Germain, mais aussi la baronne Françoise de Lucinge du Noyer, qui sera d'ailleurs retenue pour accompagner la jeune enfant à Versailles en 1696 pour son mariage avec le duc de Bourgogne sur fond, vous le savez, de paix de Ryswick. Dans son entourage, on trouve aussi un maître à danser, Paul Lapierre, son fils Paul Lapierre le Jeune, et des leçons de musique offertes par Marc Roger Armand Couperin. Donc une présence significative qui est renforcée encore par l'apprentissage de l'écriture et les premières lettres écrites par la duchesse de Bourgogne qui sont toutes rédigées en français. C'est-à-dire à rebours de l'usage qui était dessiné à l'intérieur de la cour de Turin, où l'italien était la langue retenue par Victor Amédée II pour l'éducation de ses fils, et comme langue vernaculaire ou véhiculaire, en tout cas à l'intérieur de cette cour. Alors on voit par là que cette volonté finalement d'en faire une princesse française correspond plutôt à en faire une princesse versaillaise, c'est-à-dire quelqu'un qui serait déjà apte à s'insérer presque immédiatement à la cour de Louis XIV. Et effectivement, ce dessin ne correspond pas et ne fait pas de la duchesse une victime propitiatoire à la réelle politique de Victor Amédée II, mais au contraire, la victime de la décision de son grand-père, Philippe d'Orléans, à sa naissance, en décembre 1685, moment choisi donc par Philippe d'Orléans pour proposer à Louis XIV un futur mariage entre Marie-Adélaïde et son petit-fils, le duc de Bourgogne, une projection qui orientera d'ailleurs jusqu'au choix du prénom de la duchesse. Quand elle arrive donc à la cour de France, Marie-Adélaïde est déjà solidement préparée à occuper son rôle, et s'il faut en croire le témoignage de Saint-Simon, pour une fois extraordinairement bienveillant, et toujours bienveillant d'ailleurs à l'égard de la jeune fille, on voit que l'on contredit vraiment l'historiographie romantique qui a fleuri sur la duchesse et sur sa prétendue mauvaise éducation, ou sur son prétendu manque d'éducation. Le mémorialiste semble plutôt insister sur ses qualités humaines qui ont tout de suite pu lui attirer la bénédiction, l'amitié et l'amour de Madame de Maintenon, nom de Louis XIV et des personnages importants à la cour. On sent qu'elle a été bien préparée et que visiblement la connaissance de son père, qui est qualifié ici d'habile, qui connaissait à fond notre cour, la lui avait peinte et la lui avait appris la manière unique, la manière donc de s'y rendre heureuse. Alors, on voit qu'il y a déjà quelque part une préparation à transcender ces polarisations de la cour. Très vite, Madame de Maintenon va s'arroger la deuxième éducation de la princesse, en influant évidemment sur le choix de sa maison, et en faisant jouer à divers niveaux aussi les leviers du mécénat royal. Elle va réquisitionner dans un premier temps le marquis de Donjou, Philippe de Courcillon, nommé chevalier d'honneur de Marie-Adélaïde, et bientôt chargé de lui enseigner l'histoire, qui sera la matière centrale de son acclimatation à la cour de Versailles et à son futur rôle aux côtés du duc de Bourgogne. « Il est bizarre, écrit-elle, de vouloir faire de vous un précepteur, mais vous êtes capable de tout pour le bien, et vous pouvez plus faire à la princesse que tous les maîtres du monde. » Alors, sans entrer dans le détail de cette éducation, on voit déjà les hyperboles dans ces lettres de Madame de Maintenon. On voit surtout que la critique n'a jamais pu rétablir véritablement l'archéologie de cette éducation, tout simplement parce qu'elle a pris au pied de la lettre ses missives, derrière lesquelles se cache non pas une entreprise individuelle de Madame de Maintenon qui choisit certains acteurs, mais une véritable entreprise collective qui remonte 20 années ou 30 années presque au-delà de l'arrivée de la duchesse de Bourgogne. Pour vous prouver voilà, ce trait, bien, vous allez voir qu'en fait, le programme historique qui est destiné à l'éducation de la princesse n'est pas du tout le fait du marquis de Dangeau et que Madame de Maintenon ne décide pas seule. Ce programme pédagogique, en tout cas dans sa prescription, dans ses grandes lignes, il va être défini par un acteur dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est Charles-Claude Genet, l'auteur d'une histoire à Madame la Duchesse de Bourgogne. C'est véritablement une œuvre incitative dont le frontispice, signé par Leclerc, et dont vous pouvez voir ici un premier état, mais il en existe en réalité deux, l'un conservé à la Bibliothèque nationale de France, l'autre à la Bibliothèque royale de Belgique, montre qu'il va dresser véritablement les grandes lignes de fuite, les grandes perspectives de ce programme historique et un guide véritablement concret pour la personne qui serait appelée vraiment à ce préceptorat. En fait, ce préceptorat, il sera concrétisé par l'abbé de Choisy qui va publier plusieurs volumes d'histoire de piété et de morale. Alors, si la correspondance de Madame de Maintenon semble ramener ce déploiement à sa propre initiative, ben, on va voir derrière ces images qu'il n'en est absolument rien et qu'il s'agit de réflexions pédagogiques qui ont déjà fait leurs preuves depuis 1670 à l'intérieur du préceptorat du Grand Dauphin, mais que par contre on est là face à une architecture de papier, une sorte de foyer également, un cabinet largement scénographié et peuplé d'allégories qui donnent à la fois la dimension philosophique de cet apprentissage et derrière une image des réseaux qui s'entremêlent. L'embrouillamini des rééditions de l'abbé de Choisy, hein, qui va se poursuivre jusqu'en 1735, nous montre en tout cas une originalité dans le chef de Madame de Maintenon, puisqu'on a retrouvé toute une série d'ouvrages aux armes de Saint-Cyr et qui étaient même destinés parfois à peupler l'infirmerie de Saint-Cyr. Donc c'est les ouvrages historiques que vont lire les jeunes ludoviciennes lorsqu'elles sont malades. L'originalité de Madame de Maintenon, ça a été de confondre et d'imbriquer, de se servir aussi du pensionnat de Saint-Cyr comme l'un des lieux du préceptorat, ce qui n'est pas non plus une chose nouvelle. On va le voir dans un instant. Alors cette cohabitation des deux frontispices, elle est assez étonnante. Assez étonnante parce que les deux décors sont complètement différents. Vous voyez que la situation spatiale ou géographique du cabinet est la même, les acteurs sont simplement inversés, Leclerc a véritablement récupéré un canevas. Dans l'exemple qui est situé en haut de l'écran, par contre, vous voyez que tous les lambris sont décorés de panneaux qui illustrent en fait toutes les scènes clés du Nouveau Testament. Même chose sur les lambris dans le bas du décor, avec une frise centrale qui évoque là par contre toute la génération et toutes les dynasties de rois liées à David, à Salomon et en quelque sorte à toute la généalogie selon une lecture figuriste qui préfigure la venue du Christ. Donc un cabinet d'orientation volontairement religieuse, avec deux figures allégoriques, celle de l'histoire qui montre le livre dans lequel on donne le préceptorat à la duchesse de Bourgogne, et puis derrière une allégorie du temps, hein, ce vieillard barbu là aussi ailé, et une figure en buste sur le bureau, le duc de Bourgogne. Dans l'autre version, qui sera celle retenue pour l'édition définitive de l'ouvrage de Genet, on voit que le buste du duc de Bourgogne est remplacé par celui de Louis XIV, que la décoration du pavement a été augmentée, et augmentée précisément de scènes tirées des fables de La Fontaine, et en particulier de thématiques proposées au Grand Dauphin et par la suite au duc de Bourgogne. Les panneaux latéraux illustrent par contre des récits mythologiques, l'histoire antique, l'histoire romaine, l'histoire grecque, bref, toute une série de dimensions qui se recoupent et qui ont déjà fait l'objet d'une théorisation et d'une illustration à travers les opuscules pédagogiques, mais aussi le Télémaque de Fénelon. On voit donc que le préceptorat de la duchesse de Bourgogne, est en ligne de fuite à la fois vers Saint-Cyr, mais directement inspiré des principes qui ont nourri le préceptorat de son mari. En même temps, on sait que Madame de Maintenon à Saint-Cyr s'inspire des instructions sur l'éducation des filles de Fénelon, que Fénelon y fut accueilli à de nombreuses reprises et y introduisit même la mystique de Madame Couillon, jusqu'aux représailles, bien évidemment, de l'affaire du quiétisme. Ce qui est intéressant de noter, c'est cette frise centrale. Cette frise centrale qui part, vous le voyez dans le premier cadre de David et Salomon, pour remonter toute la lignée des rois de Juda, soit la succession directe David, Salomon, Roboam, Abijam, Asa, Josaphat, Joram, Ocosias, le roi impie, fils de Joram et d'Athalie, qui ne régna qu'une seule année sur le royaume de Juda, est logiquement absent de l'évocation. Le portrait d'Amasias, qui est le fils de Joas, suit directement celui de Joram, c'est-à-dire qu'on rompt là avec la chronologie de la succession dynastique, et la volonté d'antéposer Amasias à Joas se comprend de deux manières dans le chef de l'illustrateur. Le clerc a vraisemblablement voulu figurer d'abord la continuité dynastique, interrompue par la maison d'Athalie qui mit en péril la vie du jeune Joas, le futur restaurateur du temple ruiné. Avant d'évoquer le tableau de Joas, il met donc en exergue le règne de son fils afin de figurer l'accomplissement de la restauration de la lignée de David. Le visage de Joas apparaît enfin. C'est le troisième portrait que vous avez dans le détail repris en bas à droite. Il clôture donc la séquence et évoque les versets à la fois du livre des rois et des chroniques qui sont perçus comme le tropisme de toute restauration. Il ne symbolise pas seulement un aboutissement, mais il incarne la renaissance et il concentre l'espérance, comme on le voit également dans les sermons qui utilisent cette thématique de Joas. Il est donc l'élément qui va permettre aussi de comprendre le buste du duc de Bourgogne qui est placé juste à côté de ce décor. Il ne s'agissait plus dans cette version de représenter Louis XIV, mais bien son petit-fils, époux de Marie Adélaïde. Ce qui nous amène à rappeler évidemment un premier pan du mécénat littéraire initié à Saint-Cyr. Le clerc se souvenait en effet visiblement des raisons qui avaient motivé Racine à s'emparer d'un épisode biblique méconnu, peu présent au théâtre, et que le tragédien aurait dû, et je cite Racine lui-même dans sa préface, dans les règles intitulées Joas, dans la mesure où Athalie a pour sujet, je cite toujours Racine, Joas reconnu et placé sur le trône. Le clerc respecta donc les significations profondes mises en place par le dramaturge qui avait doté sa tragédie biblique d'une dimension supplémentaire en alliant à la fois l'évocation du pouvoir temporel et celle du pouvoir spirituel. L'exégèse du décor de Leclerc nécessite d'ailleurs, je vous le disais, une approche figuriste, les tableaux représentant la vie du Christ correspondant à l'annonce de sa venue par l'Ancien Testament. Et donc Leclerc dresse à sa manière un écho à l'évangile de Matthieu, que vous avez ici cité, qui était lui-même déjà cité par Racine dans la préface d'Athalie quelques années plus tôt. David fut père de Salomon, Salomon fut père de Roboam, Roboam fut père d'Abia, etc. Et vous avez toute la restitution du décor du cabinet de la duchesse de Bourgogne. Cette généalogie, elle répond directement aussi à la représentation de l'héritier présomptif du trône, si ce n'est au premier rang, en tout cas au deuxième, après Monseigneur. Et Racine, pour appuyer la vraisemblance de la pièce, avait bien précisé, je crois ne lui avoir rien fait dire à Joas qu'il soit au-dessus de la portée d'un enfant de cet âge qui a de l'esprit et de la mémoire. Et un peu plus bas, la France voit en la personne d'un prince de 8 ans et demi qui fait aujourd'hui ses plus chères délices un exemple illustre de ce que peut un enfant, un heureux naturel, aider d'une excellente éducation. Le dauphin n'était pas non plus resté impassible devant les représentations d'Athalie, et on avait vu Fénelon, d'ailleurs, consigner qu'il avait vu un prince à 8 ans saisi de douleur à la vue du péril du petit Joas. Je l'ai vu impatient sur ce que le grand prêtre cachait à Joas, son nom et sa naissance, allusion évidemment à la stratégie de la reconnaissance dans la tragédie biblique. La juxtaposition des panneaux assume donc une fonction identique à celle de la prophétie du grand prêtre chez Racine. Elle assure la distinction des familles, sans laquelle David aurait été effectivement frustré de la gloire d'être reconnu pour le père du Messie. La richesse de la lecture typologique insistait aussi sur les différentes natures du Christ, roi par naissance, fils de Dieu par l'éternité, fils de David dans le temps, qui permettait de raccrocher la monarchie très chrétienne à la royauté biblique. L'alternance des figures du Père, du buste du Père avec le buste du Fils, rappelle aussi à l'observateur les propos des mémoires de Louis XIV, qui avaient été légués à ses descendants et rédigés par Pélisson. Il renvoie tout autant à la structure du Télémaque de Fénelon, où, comme l'écrivait Volker Kapp, les belles maximes et la tradition familiale composaient l'avers et le revers d'une même médaille, où l'obéissance au père était la conséquence du dispositif de l'instruction et où l'éloge du fils renvoyait immédiatement à la magnificence du père dont il n'était que la figure. Cette idée de figure et de correspondance, on va la retrouver précisément à la fin du récit cadre qui campe l'ensemble des pédagogues de la duchesse de Bourgogne chez l'abbé de Choisy dans ses histoires de piété et de morale. Attentive à plaire au grand roi, donc sous-entendu Adelinde qui figure la duchesse de Bourgogne dans les récits, et à son fils unique, elle y avait parfaitement réussi, le père et le fils se disputaient le cœur de la princesse et c'était la seule dispute qu'ils eussent jamais eue ensemble. Le frontispice gravé devient ainsi un nœud où des références intertextuelles éparses sont donc particulièrement concentrées. Loin d'être le fruit du hasard, celle-ci dote le poème de Genet d'une forte dimension prescriptive et transpose dans une image à peine voilée un nœud de réseau que l'on pourrait presque deviner à l'œuvre dans la coulisse de ce décor artificiel. La préface de la tragédie biblique campait effectivement aussi le précepteur du grand dauphin, Bossuet, auquel il était fait clairement allusion par Racine. Et derrière lui, au duc de Bourgogne, avec une allusion à ses précepteurs, Fénelon et Fleury. Elle rappelait aussi dans sa dimension politique le sacre et le rituel du sacre qui avait été immortalisé dans le discours sur l'histoire universelle, qui était l'un des premiers pans de ce préceptorat princier, mais aussi les mémoires de Louis XIV, dont Pélisson, déjà à l'époque, s'était plu à distribuer les conseils aux turiféraires du régime. Chose assez intéressante, puisqu'on est dans la déconstruction d'un réseau, Genet était lui-même placé dans l'entourage de la duchesse du Maine à Sceaux, mais bien avant cela, il était surtout le commensal de Pélisson. C'est un homme étonnant, avec un cursus très particulier, puisque de faible capital à la fois économique et symbolique, il va parvenir à s'imposer dans le domestique du duc de Nevers, parfaire son éducation littéraire et philosophique dans les salons féminins, on en a parlé tout à l'heure, chez Mademoiselle de Scudéry, où il rencontre Pélisson, qui va l'engager à l'intérieur de la gestion des fonds de la caisse des conversions. On voit donc, derrière, se répartir tout ce réseau de pédagogues qui vont entourer toutes ces cours satellites présentes, comme vous le voyez ici sur une gravure qui campe le mariage du duc et de la duchesse de Bourgogne, avec toute une série de rappels chronologiques, puisqu'on voit que le petit concile va s'arroger tous les préceptorats princiers du duc du Maine, de Mademoiselle de Blois, de Louis de Bourbon, de la duchesse du Maine, des princes de Conti, du grand dauphin, du duc de Berry, du duc d'Anjou, du duc de Bourgogne, de la duchesse de Bourgogne, du comte de Toulouse, du duc de Chartres, du comte de Vermandois, etc. Bref, légitimé et bâtard, avec une volonté évidemment concertée d'étendre par les cours princières une christianisation des mœurs et des pratiques littéraires, sociales en général, sur la France, bref, un développement pyramidal. Mais on voit très vite que ce développement pyramidal, par la circulation horizontale de toutes les œuvres vouées à ces préceptorats, pose précisément la question de la modélisation des liaisons entre ces cours satellites. Y voir une volonté uniquement pyramidale, c'est un peu tomber dans le piège tendu par la sociologie de Norbert Elias et la société de cours, et d'y voir effectivement un lien uniquement verticale. Or, les choses s'avèrent rapidement beaucoup plus complexes, et sur le plan matériel, et sur le plan symbolique. Sans compter que le Petit Concile avait su aussi se concilier une série de réseaux d'information, de distribution et de diffusion du savoir dans les académies, dans les évêchés, dans les différentes missions réalisées en France ou dans des centres de savoir, comme par exemple la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés. On a donc affaire à une architecture relativement complexe qui pose effectivement la question de l'existence et du bien fondé des foyers. Alors, pour le colloque, je me suis un peu plongé justement dans l'historiographie de cette notion de foyer, et autant dire que j'ai été très largement déçu, puisque je m'attendais à tomber sur un concept qui avait déjà été bien étudié et bien mis au point. Or, il est toujours tiré à U et à Dia, de manière entièrement tacite, que l'on se réfère aux foyers des collèges scientifiques ou des foyers scientifiques développés par François Dainville, que l'on aille voir aussi la théorie générale de l'histoire de l'art développée par Jacques Thuillier, qui dit expressément préférer cette notion de foyer à celle d'école, mais sans jamais préciser exactement pourquoi, et en campant des foyers qui correspondent toujours à des coordonnées géographiques, à une dimension régionale et nationale, fortement liée au patrimoine et à une dimension nationaliste ou régionaliste, cantonnée aux seuls grands artistes qui ont donné vie à ces foyers, alors que l'intérêt de ces foyers, me semble-t-il, serait plutôt de reposer sur avant tout cette notion de réseau et peut-être d'approche sociométrique, afin de comprendre l'ensemble des relations qui les déterminent, d'avoir un ensemble de relations tout à fait objectivables et non pas subjectives, afin d'en comprendre le rayonnement et le fonctionnement. En d'autres termes, de voir comment dans ces réseaux se retraduisent, pour prendre des termes empruntés à Bourdieu, les règles du jeu, les règles du jeu artistique, les règles du mécénat, comment ces cercles, ces réseaux, peuvent eux-mêmes se percer de ce que Bourdieu appelait une illusio, c'est-à-dire d'un ensemble de représentations qui cachent les structures sous-jacentes d'échange ou de circulation, mais qui doit, à mon sens, pour utiliser le terme de foyer, être absolument théorisé à partir sans doute de cette notion de réseau, mais j'imagine qu'on pourra en rediscuter plus avant, au risque sinon de tomber dans cette distinction que Bourdieu opérait déjà entre des champs et des sous-champs, en se gardant bien évidemment de théoriser cette dernière dimension de sous-champ qui était utilisée uniquement pour penser des manifestations périphériques et des lieux de production périphériques, notamment dans le champ littéraire par rapport à des productions qui excédaient le centre parisien ou français. Il s'agirait donc par le réseau avant tout de comprendre comment se diffusent des genres qui sont sans doute aussi moins légitimes parce qu'ils peuvent impliquer des acteurs avec un capital symbolique beaucoup plus faible et pas seulement les grands artistes qui font émerger ces centres ou ces foyers. Ils mobilisent des notions telles que le capital relationnel qui n'est ni du capital social ni du capital symbolique mais qui montre une capacité plus grande que possède un agent à utiliser ces liens pour créer aussi un certain nombre d'effets. En cela, le réseau se révèle un outil particulièrement indispensable pour rompre avec des catégories ou des structures toutes faites ou décidées a priori. Il privilégie non pas des individus, mais des relations entre individus, des circulations et des échanges, et mériterait de porter une comparaison de la notion de foyer avec d'autres types de notions qui sont utilisées en sociologie, ou en tout cas l'une des intersections qui réunit à la fois les foyers et le modèle de l'essaim dont vous avez ici une projection, c'est assez extraordinairement à la fois les sciences de la vie, la biologie et la stratégie militaire. Les foyers découlent d'une réflexion sur la stratégie militaire, et notamment, on connaît les applications de Che Guevara avec le développement des guérillas à partir de foyers, plutôt que de réaliser une révolution d'un trait. La même théorisation a été faite à partir de l'exemple, ça fera plaisir à Catherine, des mouches à miel, utilisée de manière tout à fait sérieuse, et vous voyez d'ailleurs ici une projection d'une structure en essaim appliquée au développement militaire en Afghanistan émis par l'OTAN, qui permet de repenser justement l'ensemble de ces géométries de jeu, de réseau, de foyer, de centre et de périphérie, qui ont l'intérêt d'interroger à la fois la notion d'autorité, la notion de centre, la notion d'indépendance, la notion d'opposition et de contestation, puisque cela prend lien dans un contexte extrêmement précis, et contre lesquels il faut cependant mettre en garde l'utilisateur, puisque tous peuvent reposer sur des relations objectivables, comme sur des explications analogiques, métaphoriques. Et on retrouve d'ailleurs pour les saints, déjà dans l'encyclopédie, une métaphore organiciste qui était celle utilisée pour penser l'État. Nous comparons le corps vivant, écrit Bordeux, pour bien sentir l'action particulière de chaque partie à un essaim d'abeilles qui se ramasse en peloton et qui se suspende à un arbre en manière de grappe. Chaque partie est, pour ainsi dire, non pas sans doute un animal, mais une espèce de machine à part qui concourt à sa façon à la vie générale du corps. Ainsi, pour suivre la comparaison de la grappe d'abeille, elle est un tout collé à une branche d'arbre par l'action de bien des abeilles qui doivent agir ensemble pour bien se tenir. Il y en a qui sont attachées aux premières, et ainsi de suite, toutes concourent à former un corps assez solide, et chacune, cependant, a une action particulière à part. C'est là que réside, à mon avis, le plus grand intérêt de cette notion sur laquelle je passe de nouveau très vite, mais c'est cette dissociation entre l'action individuelle et puis la réflexion ou l'action commune menée à un autre niveau. Je vous remercie.